À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Musiques africaines, une histoire parisienne, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a le festival Africa 2020, pris dans les mailles du confinement et l'envie de savoir ce qui fait un tube africain à Paris. Alors pour commencer, les personnages. Un musicien décontracté, un patron de boîte de nuit, un couturier noctambule, un journaliste aux aguets, des artistes ambassadeurs et une chanteuse sans visa. Ensuite, le décor. Un salon de coiffure, le chalet du lac, des foyers, le métro, des studios parisiens, un festival et Montreuil. Aujourd'hui, deuxième épisode. Attention, travaux. Je ne savais même pas qu'il y avait tout ça. C'est une surprise. Il y a tout, le percu, il y a tout le boxon, la sauce. Tout. 7, vous êtes... Plus mon frère et moi. Ouais, 9. Et bah, vous le reprenez. Ah ouais, là, je l'ai fait avec Santana, là, sur l'album, oui, là. Ouais. Là, vous allez reprendre. Oui, on va faire notre ancienne formule. Ouais, ça va le faire. Nos stress. Donc, les fans qui viendront soient contents. Et nous aussi contents. Et ceux qui vont nous découvrir pour la première fois aussi soient contents. C'est nos 40 ans, il faut faire la fête. Je vois le monsieur là qui arrive avec le chapeau là. C'est mon frère jumeau. Moi je m'appelle Sikhou Tidiane. Et lui il s'appelle Ismaël Moutoubien. C'est là que tu t'es fait coiffer. Moi je crois que tu t'es fait coiffer hier. L'Afrique c'est chic, ou l'âge d'or de la world music. Là j'ai mangé dans un restaurant sénégalais. Oui, un peu plus loin, vous voulez. Puis j'ai trouvé des coiffeurs. Mais oui, il faut que je fasse beau. Le limonique, c'est connu. Hein. Bienvenue à Touré. Bienvenue à la famille éléphant. Ils reviennent chez eux. Zama. Good morning. Ouais. On rentre alors. Mon air. Bespoudelou, c'est mon air. Touré Kounda. Bespoudelou, c'est mon air. J'ai le démon de la danse qui m'envahit et c'est parti pour le langage du corps. Je me laisse emporter, la sueur inonde mon t-shirt et c'est fini, on est heureux. Touré Kounda, il y a du bon, il y a du très bon. Voici un extrait d'une lettre qu'une lectrice envoie au journal Libération dans les années 80. Elle vient de découvrir ce groupe phare, Touré Kounda, littéralement famille éléphant, originaire de Casamance au Sénégal, qui va écrire les plus belles pages de la musique africaine à Paris dès 78. Rare artiste africain qui décroche un double disque d'or avec un album live, le mythique Paris Ziguinchor. Paris Ziguinchor, ah ouais, c'est la plus grande vente de Touré, hein. 200 000. Le disque d'or, c'est 50 000 maintenant. On vient, on rentre par là, là les loges c'est là où c'était. Oui, il n'y avait pas de toilette. Et après, il n'y avait pas de toilette, ça se super. Et tu vois, de l'autre côté, c'est mon 40 ans qu'on vient faire. C'est bien, c'est 40 ans et la sortie de l'album. Attache la ceinture. 40 ans plus tard, en 2018, les frères éléphants fêtent leur décennie de carrière au New Morning, célèbre salle parisienne qui a vu passer les plus illustres jazzmen américains et les plus grands fêtards africains. Manu Dibango, arrivé en France en 49, bien avant les indépendances, mais aussi Richard Bonal, Lokua Kanza, Cesaria Evora, Angélique Kidjo, Myriam Makeba, Youssou N'Dour, Geoffrey Auriemma et tant d'autres voix. Depuis, leurs musiques se sont envolées vers d'autres capitales et d'autres salles et le New Morning a fait peau neuve. Casa, le portier est toujours là, mais depuis 2015, ses portes se ferment quand la musique commence et les loges ont dû être réaménagées. Un peu comme chez les frères Touré, ici les années passent, les lieux encaissent l'histoire, les géographies et surtout la fièvre des nuits parisiennes, sans perdre le cap ni la soul, l'âme des mélomanes. Bref, il y a du changement. Il y a un changement, mais pas tant. Comment, mais il y a un changement. Il y a un changement. Si, si, si. Je peux fermer la porte ? Ouais. Écoutez, moi quand je suis arrivé ici en 75, il n'y avait pas grand chose, hein. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait un peu Manu Dibango, je dis bien un peu. Manu Dibango ? Oui, il y avait un peu Francis Bébé, donc il n'y avait pas grand monde. Hein. Mais vous, vous êtes venu à Paris pour la musique ? Oui, je suis venu faire partie des gens qui ont fait de Paris une capitale. Mais je ne suis pas venu parce que c'était une capitale, c'était rien. C'était comme Dakar, c'était comme Sikenchor, c'était comme Abidjan. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez récupérer toute l'histoire, vous ? Oui. Ah ben, récupérez. Mais je voulais savoir comment vous en avez fait une capitale, justement. Mais parce que, vous savez, nous, on jouait, moi, je me souviens, à nos débuts, on jouait même dans le métro. On jouait devant le centre vers Châtelet, le gros centre, la Grisamba, une usine, là. Pompidou. Et nous, on jouait aussi en bas. Et puis, bon, c'était partout où on trouvait les halles, partout où on trouvait de l'espace, allez, on jouait. Les bruits étaient beaucoup, beaucoup interdits en France. Il faut chercher à voir ces années-là, qu'est-ce qui était là, pour vous rendre compte qu'il n'y avait pas tout le temps de la musique qui était possible. Et donc, dès que les gens entendaient de la musique, ils venaient voir, parce que s'il fallait payer, ils enlèvent leur ticket, ils payent leur ticket. Et petit à petit, les Français ont découvert la musique, que autre chose existait que Tino Rossi ou François Hardy, et qui ont fait découvrir petit à petit à leurs compatriotes cette musique, cette étrange musique. Non, nous ne sommes pas à Harlem, ni même aux USA, mais tout simplement dans la proche banlieue parisienne. Dans ces 1500 mètres carrés de boîte de nuit éclairée au rayon laser, ces travailleurs émigrés noirs viennent chercher leur unique évasion, souvent entre eux, car les femmes sont rares. À Paname, dans cette nouvelle terre d'exil, là où les femmes se font rares, on cultive une autre vie, quitte parfois à creuser les chemins les plus souterrains et les plus underground de ce nouvel ailleurs, où les périphéries vont devenir le centre d'une activité musicale nouvelle dès la fin des années 70. En 76, Jean-Michel, le fils de la famille Mouillac qui gère depuis le siècle dernier le vénérable chalet du lac, Jean-Michel ouvre une discothèque géante à Montreuil, ville rouge laborieuse. Ce club, la main bleue, s'adresse à ceux qui sont refusés ailleurs, les fêtards africains. Stark décore cette première boîte qui va lancer la mode du rayon laser, le funk afro et la rumba congolaise, bien avant le palace. Avant, on voyait un petit peu. Jean-Michel n'est pas devenu sapeur, mais il vit toujours à Montreuil, dans le 93, à quelques rues de la Main Bleue, et il en garde quelques vertiges et une archive. La Main Bleue les fait voir rouge. C'était à la suite de la soirée de la Guerfeld. Qu'est-ce que vous avez encadré ? J'ai encadré ce qui restait du dossier de presse. Avec un petit bout d'article que, voilà, la Main Bleue les fait voir rouge. Et qu'est-ce qui lui arrivait à ce dossier de presse ? Mais il était entassé dans un cagibi, il a pris l'humidité et puis il a pourri. Mais c'est assez amusant, on pourrait presque croire à une œuvre d'art. C'est vrai, ouais. Vous l'avez encadré, du coup voilà. On voit un petit bout de l'article. Voilà. On part en guerre contre la Main Bleue. Le dernier temple à la mode d'une certaine Dolce Vita parisienne. La clientèle noire qui envahit chaque soir la Main Bleue. Ah, parce que, au départ, c'est une clientèle d'Africains que j'avais. J'avais été démarché, j'avais distribué des flyers dans les foyers africains. Alors, ça, c'était quelque chose. C'est comme ça que la Main Bleue a été connue. J'ai fait 11 foyers dans lesquels je distribuais des invitations. Je me souviens d'une fois, ils étaient en train de déjeuner, tous en boubou, et il n'y avait que des Africains. Enfin, c'était beaucoup des éboueurs, beaucoup des métiers comme ça. Ils étaient vraiment laissés pour compte. Hein. Ouais. J'étais le seul blanc. Donc, ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Puis, ils ont des invitations pour danser. Donc, ils venaient avec ces invitations. Puis après, ils ont aimé le lieu. Et puis voilà, ça... Il y avait à la fois le côté sympathique de les recevoir et puis aussi l'opportunité d'une clientèle qui ne demandait qu'à sortir mais qui pouvait aller nulle part, il n'y avait pas de lieu où ils pouvaient aller. Donc, toutes les soirées étaient assez étonnantes. Déjà la musique et puis c'était de la musique, vraiment de la musique africaine. À 100%, il n'y avait pas autre chose. En plus, il y avait 80% d'hommes. Ils adorent danser. C'est inné chez eux. Ils ont ça dans le sang. Ils sont des danseurs. Et ils aiment faire la fête. Puis c'est élégance quand même. Ils étaient tous... Ça, j'ai jamais revu ça nulle part. Hein. Ils étaient éboueurs le jour et milord la nuit. C'était un truc... Tu n'es pas chez toi, de retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Il y a à la fois l'image, l'imagerie que l'on a du noir. C'est-à-dire, il n'est pas méchant. Les noirs ont le rythme dans la peau. Et leurs musiques sont des musiques plutôt entraînantes. Claudicia. C'est bien, on ne comprend rien de ce qu'il raconte, mais ce n'est pas très grave. Je pense qu'il y a ça. Mais si on analyse ça avec une lecture de 2018, on dira, mais quand même, c'était un peu condescendant, c'était un peu truc, il y avait... Non, moi, je ne crois pas. Je crois que, très clairement, il y a la découverte de l'autre, quoi. Et on a cette image-là, ok, très bien. Mais les musiques plaisent et elles touchent le cœur des gens et l'âme des gens. Et c'est bien là la plus grande des victoires. Et est-ce qu'à Montreuil, vous êtes allé à la Main Bleue ? À son époque, oui, il y a longtemps. C'était un espace où on allait danser, et puis bon, nous, on y allait des fois vers les coups de minuit, à 2h, 3h du matin, on est rentré chez nous, on a bu notre coup, et puis on est parti. Est-ce que vous diriez que le succès de la Main Bleue, ça correspondait aussi à une époque, et à une époque où, pour tout un monde parisien branché, l'Afrique, c'était chic ? Oui, c'était un endroit chic parce que tout le monde y allait pour faire la fête, pour danser, parce que c'était le seul endroit ouvert et public. On avait la même chose dans les Halles, mais c'est un petit espace comme celui-là, et à quelque chose aussi vers Porte Dauphine, mais c'est des petites salles comme ça. Mais la Main Bleue, c'était carrément une grosse discothèque. Et tout le monde y allait, effectivement. Donc vous étiez où ? Ouais, même vous ne savez pas où vous étiez. C'était un balbutiement de musique, une curiosité certaine. Et c'était effectivement voilà, le lieu le plus in de la capitale. Alors les débuts, c'est comme ça que la Main Bleue a été connue, parce que Anne Chabrol, qui dirigeait le Matin de Paris à l'époque, vient voir, je ne sais pas pourquoi, ni comment, et elle voit ce lieu avec tous ces Africains qui dansaient sur de la musique africaine. Et elle fait la double page du Matin de Paris du lundi suivant avec marqué Harlem sur scène. Et là, c'est parti. Alors là, les mondains sont venus. Il y a eu une espèce de folie comme ça pour ce lieu. Excentré, dans une banlieue improbable, ça plaisait beaucoup. Et après, c'était une clientèle blanche et mondaine et après populaire. Absolument, tous les gens qui étaient un peu dans la mode, il y avait tout le monde. Paloma Picasso, Michel Guy, qui était ministre de la Culture, tout le monde. Puis on en a beaucoup parlé à ce moment-là. La télévision aussi, c'était un endroit dont on a beaucoup parlé dans ces années-là. Ça, c'était en juin 17, 78, 79. Vous pensez qu'il y avait toute une population qui venait voir ces travailleurs qui étaient peut-être invisibles la journée dans votre boîte de nuit ? Oui, bien sûr, oui. C'est sûr que le décalage qu'il y avait entre leur travail de la journée et la magie de la nuit à la Main Bleue, oui, bien sûr. Parce qu'ils étaient habillés de façon incroyable. Il n'y a qu'eux qui s'habillaient comme ça. avec des coupes de vêtements très particulières. Les revers des vestes étaient énormes et de couleurs différentes. Mais ils étaient très, très habillés. Ils avaient des... Il y en a un, notamment, qui venait avec des costumes somptueux, blancs, avec des grands revers rouges. Il avait le chapeau, il avait les ceintures, là. Ils avaient des pantalons qui montaient jusque-là, sous la poitrine. Des chaussures extravagantes. Enfin, ils étaient très, très lookés, hein. Très sapés. D'ailleurs, on les appelait les sapeurs. Il n'y avait ni lieu, ni raison d'en parler. C'est la Main Bleue qui a fait, à cette époque-là, parler de ces fameux sapeurs, parce qu'ils étaient habillés de façon incroyable. Il n'y a qu'eux qui s'habillaient comme ça. Et tout ça était extrêmement lumineux et très voyant. Ils ne passaient pas inaperçus, hein. Ils étaient beaux à voir, la musique était formidable, c'était de la bonne musique. 24 heures sur 24, les gens ne dorment pas. Je pense à Pampa Wamba, je pense... À des voyages la nuit dans Paris il y a 10-20 ans où j'écoutais Papa Wemba, où j'écoutais aussi Fela, voilà, dans les taxis la nuit. Les taxis qui... y avait un club qui s'appelait La Main Bleue, il y avait un club en dehors de Paris aussi. C'est la première vision que j'ai. On peut dire quand même, Jean-Charles de Castelbajac, que vous êtes un noctambule. Enfin, en tout cas, vous avez été un noctambule. Vous êtes beaucoup sorti la nuit dans Paris. Oui. Est-ce que dans les années 80, on entendait beaucoup de musique africaine dans les nuits de Paris? On entendait beaucoup de musique africaine, mais l'Afrique, c'est Paris, hein. Il y a cette espèce de bric-à-brac extraordinairement créatif d'invention. Il y a une gigantesque d'imaginaire. Je crois que la Renaissance viendra de l'Afrique, en tout cas. L'Afrique, c'est une source éternelle d'inspiration. C'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, aussi bien en peinture, en musique, pour moi, d'une dimension chromatique, définitivement. Regardez, même la mode arrive de l'Afrique. Virgil Abloh, Aaron Preston. On est toujours aspiré par les clichés, alors que l'Afrique nous submerge de contrastes, de paradoxes, de choses tout à fait bouleversantes. Donc c'est ça la musique de l'Afrique, c'est pas juste du son, c'est une musique de l'imaginaire, c'est une musique de l'invention, c'est une musique de la création, c'est le tic-tac de la création, l'Afrique. A commencé donc à la fin des années 70, je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des artistes africains, il suffisait de prendre un ticket de métro pour aller à Montreuil ou pour aller à Colombes, pour aller, parce qu'ils étaient là. Parce que ce qui se passait à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est qu'en fait en Afrique, il n'y avait pas de studio d'enregistrement et il n'y avait pas d'usine de fabrication de vinyle. Philippe, en fait, Conrat. Comme tous ces pays d'Afrique de l'Ouest étaient d'anciennes colonies françaises, qui avait la langue française en partage d'une certaine façon, ces artistes en fait passaient un moment pour venir ici enregistrer et fabriquer leurs disques. Et comme j'étais journaliste à l'époque à Libération, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à écrire sur ces musiques. Moi j'ai créé à l'époque une chronique qui s'appelait Noir, où j'écrivais sur ces musiques. Je me suis aperçu que je pouvais très bien aller interviewer les plus grandes vedettes de la musique du continent africain en prenant un ticket de métro. Et dès que je cherchais à en rencontrer un, c'est-à-dire qu'il soit camerounais, qu'il soit zaïrois, qu'il soit malien, de Haute-Volta, qui est après devenu le Burkina Faso, je pouvais très bien le rencontrer. Donc ça faisait beaucoup d'économies au journal, évidemment, qui n'avait absolument pas les moyens de me payer un reportage. Et ça me permettait, moi, de m'enrichir, de connaître, d'être au courant, de chercher. Et j'ai passé les années 80 à faire ça. Alors j'étais pas mal en Afrique aussi, mais j'étais beaucoup à Montreuil, beaucoup en banlieue parisienne. Dans les années 70, tout se passait dans les foyers. Ils organisaient eux-mêmes leurs concerts, ils faisaient venir leurs propres artistes, et puis ils se cotisaient pour faire pour les faire venir. Et puis il y avait des mecs incroyables, quoi. Ça fait, l'association des chauffeurs de taxi a fait venir Youssou N'Dour, quoi. C'était Martin Messonnier. Voilà, c'est des trucs alors qu'il n'avait jamais joué en France, quoi. Et il y avait par exemple les vieux griots maliens comme Bousamana Sissoko ou des gens. Comme ça, qui venait jouer au foyer, et c'était vraiment. J'avais rendez-vous ici avec un musicien. C'était vachement important, quoi, pour la communauté, parce que Bousamana Sissoko, c'était un truc, c'était. Je sais pas comment dire, c'était une montagne qui arrivait, quoi. C'était. Allô. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes aujourd'hui à Paris avec Salif Keita? Oui, tout à fait. Ça veut dire que Salif Keita, ce sont les travailleurs maliens qui vous ont permis de venir chanter pour les premières fois à Paris ? La première fois, oui, en 1974. En 1974, les travailleurs maliens ont invité les ambassadeurs pour venir faire la musique ici. C'était beaucoup à l'étranger. C'était le ballet à l'étranger et c'était formidable. On n'était pas trop dépaysés. C'était des Maliens qui écoutaient ma musique et qui étaient fans déjà et qui voulaient que je sois là. Ils avaient parié, ils m'ont fait venir. J'ai découvert Montreuil en ce moment-là et j'ai vu que Montreuil, c'était une ville malienne à Paris. Donc, il y avait beaucoup de ressortissants maliens à Montreuil. Donc, on parlait bambara, on mangeait malien, on était vraiment comme des maliens, mais à l'étranger, voilà. Mon premier concert que j'ai acheté, public que j'ai acheté, c'était le Studio Kunda. C'était dans un parc à Montreuil. C'était génial. Ça a fait un déclic chez moi. Justement, c'est ici que j'ai rencontré Touré Kunda. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai eu le courage de rester. Parce que Ismaël, avec Cheikh, je les connais très très bien. Avec Ousmane, je les ai côtoyés. C'est des amis à moi, des frères à moi. On s'est beaucoup fréquentés et j'ai eu le courage de rester à cause d'eux d'ailleurs. Il n'y avait certainement pas de volonté de voir ces artistes arriver à Paris, mais il y avait une récupération politique qui disait, vous voyez comme Paris est une ville ouverte et qu'on accepte les gens. Il faut voir que dans les années 60 et 70, les ouvriers arrivaient pour aller travailler dans les usines d'automobiles, par exemple. Moi, il y en a qui m'ont raconté, ils arrivaient dans des avions où il n'y avait même pas de siège, on les asseyait par terre pour qu'il y en ait plus, et ils arrivaient et directement ils allaient travailler à Poissy, chez Simca, chez Renault, etc. Il y avait aussi des musiciens, c'est-à-dire il y avait une vie associative qui fêtait les mariages, les baptêmes, les enterrements, les circoncisions, etc. Donc il y avait une vie qui était complètement parallèle. C'est ça dont je me suis aperçu au fur et à mesure en travaillant avec ces artistes, c'est-à-dire que ces artistes pouvaient avoir une vie économique en dehors totalement de ce qui pouvait se passer dans la vie artistique qu'on connaissait ici. Donc il y avait un circuit communautaire très très très très très puissant. Tous les pays d'Afrique, ils avaient leur propre circuit. Les deux plus puissantes, c'est les Zaïro-Congolais et les Maliens. Ils avaient des associations qui pouvaient représenter des villes, des petites villes, des villages, etc. Ça se passait comme ça. C'était très très fort, c'était très très organisé, c'était très représenté. Il y avait tout un réseau parallèle, quoi. Moi, je me souviens d'un jour, c'est le patron du Bataclan qui m'appelle et qui me dit, il y a un Africain là qui voudrait louer la salle, il a de l'argent, mais il n'a pas de licence de spectacle, et toi tu connais ces trucs-là, est-ce que tu veux bien t'en occuper ? Alors, je dis, bah écoute, avec plaisir. Et je vois arriver Franco dans mon bureau avec cinq mecs énormes, vraiment très très, très baraqués, et puis lui, il a des bagues partout. Donc Franco, à l'époque, il arrive de Kinshasa ? Franco, il était entre Bruxelles et Kinshasa, oui. Et je l'ai aidé à organiser son concert, et c'était invraisemblable, quoi. C'était l'orchestre, il devait être 25 sur scène, il y avait 5 guitares, 3 sax, 3 trompettes, 4 chanteurs, basse, percus, batterie, c'était énorme, quoi. Et alors, à minuit, il n'y avait absolument personne. La salle était totalement vide, et puis à 1h du matin, c'était un truc qui était bourré à craquer, quoi. Et bon, et les seuls blancs qu'il y avait dans la salle, c'était mes copains, hein, ça, c'était... Parce que voilà, c'est un truc franco personne connaissait, quoi. C'est ça, c'était 78. C'était, on était sous Giscard, faut se rappeler, donc on s'ennuyait ferme quand même à cette époque-là. Et donc c'était assez excitant comme proposition, oui, oui. Les gens étaient vachement en recherche de liberté, fin des années 70, début des années 80, et c'était une époque où Sonra, il remplissait la mutualité, mais plusieurs fois, enfin c'était vraiment les artistes très très populaires, quoi. Cette époque-là, moi je m'occupais de Don Chéri, le beau-père de Néné Chéri, quoi, par exemple. On arrivait à remplir deux Bataclan avec Don Chéri, quand même. Ça marchait vachement bien, le jazz, le free jazz. C'est ce public-là qui s'est intéressé à la musique africaine en premier, quoi. C'était les gens qui commençaient à en avoir marre du jazz, parce que finalement, tous les vieux du jazz étaient en train de mourir. Comment il s'appelle ? Razan Roland Kirk venait de mourir, Mingus aussi. Et en fait, c'est la musique africaine de Fela, mais aussi les autres. C'était un peu une espèce de suite logique à tout ce jazz de recherche, quoi. Il y avait un vent d'ouverture, oui, clairement. Il y avait les Touré Kounda aussi qui cartonnaient. On sentait que c'était un truc qui était en train de se passer, quoi. Moi, il y a mon amie Vivienne Goldman qui était, elle, c'était un peu l'égérie des punks et de voilà les Clash et les Sex Pistols et tout ça, enfin surtout Public Image et tout ça. Bon, ben elle est venue à Paris s'installer parce que disait voilà c'est là où ça se passe, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est aussi parce que le rock s'essoufflait quelque part. Et le rock des années 60 et des années 70, c'est extrêmement puissant. Au début des années 80, qu'est-ce qui explose ? C'est la disco, par exemple, c'est plus le rock. Et d'une certaine façon, il y a aussi une jeunesse qui a envie de comprendre, peut-être c'est le début de la mondialisation, tout simplement, hein. C'est-à-dire qui a envie de comprendre, qui a envie de s'ouvrir. C'est des sons qui sont nouveaux, c'est des voix qui sont nouvelles, c'est des gammes qui sont nouvelles. Et donc, quelque part, c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire un essoufflement de la créativité rock, d'une certaine façon. Une jeunesse qui a envie de découvrir autre chose, qui commence à voyager beaucoup. Oui, c'est évidemment la post-colonisation et c'est une réflexion sur le néocolonialisme aussi. Et donc, voilà. Et puis aussi, je pense que deux vecteurs de communication culturelle comme Actuel et Libération en même temps, qui se mettent à travailler sur ce thème de la sono mondiale des sons de l'extérieur, nous, on est poussés. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%. Mitterrand arrive. Alors c'est vrai que à l'époque certains riches français se sont dit c'est fini, c'est terminé, le communisme arrive en France et mais pour beaucoup c'est un truc extraordinaire, c'est-à-dire que le monde donc s'ouvre à nous et tout est permis. Claudicia. Bambuc devient le premier ministre de la jeunesse et des sports de la Ve République. Donc sous Mitterrand. Pour nous, ça annonce, on dit, ah, Bambuc, ministre des Sports. Aujourd'hui, ministre des Sports noir, on s'en fiche un peu, quoi, parce qu'on a dépassé ça. Tout d'un coup, Touré Tounda fait une chanson, et la chanson, elle tombe là, cette chanson qui s'appelait Emma, elle tombe là, et tout le monde se met à l'écouter, à danser dessus et tout. Et Touré Kounda a été un peu le moteur de tout d'un coup, il y a eu toute une jeunesse qui a commencé à écouter ces musiques qu'on disait africaines. c'était déjà, comme on pourrait dire, très crossover. C'était des musiciens qui habitaient ici, qui ont fait une musique qui a eu un très gros succès. Très, très gros succès. Touré Kunda, à bord d'une Renault de 1931. Walini, ça veut dire pourquoi cela ? Car derrière la musique africaine de Touré Kunda, avec des nuances européennes, qui est une musique gay, se cachent des problèmes sérieux. Walini, ça veut dire pourquoi cela ? C'est l'histoire d'un petit village du Sénégal qui s'appelle Four à Toro, je crois. Fout à Toro. Oui. Fout à Toro. Et pourquoi cela ? Pourquoi la sécheresse ? Et pourquoi y a-t-il dans le monde des gens nantis et d'autres qui ne le sont pas ? C'est ça en deux mots ? La vie est tellement belle que ce serait un peu un tort pour nous les hommes d'être à l'origine de sa destruction et surtout de la destruction de la nature. Merci de ce message. Touré Kunda, à samedi prochain, au revoir. Et tous les jeunes, tout le monde, les blancs, les noirs, tout le monde a vu deux noirs entourés de blancs qui nous accompagnaient avec nous les deux blacks. Mais c'est un hasard. Vraiment, c'est un hasard quand on est arrivé. Il y avait des amis comme Fred Wallich, ses parents avaient une cave où on pouvait répéter. Il y avait Jean-Jacques Hers à la guitare aussi, ses parents, ses médecins. Et puis qui encore, il y a Fred, il y a des blancs qui étaient là. Et puis on leur montrait le son africain. Pour dire ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. En fait, Touré, non seulement c'est des frères et puis des musiciens, mais à cette époque, c'est devenu une école. Parce que les musiciens qui nous accompagnent, on leur apprenait le rythme africain. Il se passe quelque chose à Paris. Et Paris devient, à ce moment-là, en ce milieu des années 80, le carrefour des musiques africaines. Paris devient ça à ce moment-là, parce que Paris a une histoire déjà, évidemment, avec l'Afrique, avec les Caraïbes, avec les peuples afro. Je crois qu'il y a une génération de gens qui, face à ça, sont complètement décomplexés et... peut-être de façon consciente ou inconsciente, hein, se disent que ça, c'est aussi une part de notre patrimoine. Une certaine France intellectuelle est en train de découvrir des revendications de jeunes qui sont les enfants des immigrés arrivés dans les années 50 et 60, soit du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et donc, il y a à ce moment-là une envie de comprendre et d'entendre, peut-être. Mais à ce moment-là, il y a, ok, exprimez-vous. Mais vous ne me reconnaissez pas ? Non, je regrette, je n'ai pas la mémoire des visages, sauf pour les assassins. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion sur les circonstances de ce drame atroce. C'est aussi la France de tous les racismes. On défenestre des Maghrébins. Il y a des ratonnades. C'est la période où Yves Boisset fait ce film extraordinaire du Pont-la-Joie. Donc voilà, c'est tout ça. À la fois, le pire comme le meilleur s'exprime. On est à un carrefour. On est à une croisée des chemins de l'histoire de la France. Et ces artistes africains et cette France, peut-être un peu encore réactionnaire, eh bien tout ça se télescope. C'est dans ce contexte-là que nous sommes, au milieu des années 80. Des histoires comme celle-là, nous en avons trois par mois en France. Notre politique est de leur éviter toute publicité. Et je vais avoir 20 ans. Et c'est un moment extraordinaire. J'ai le sentiment que le monde m'appartient et que j'ai une chance d'être né en France. On est surtout face à une génération de femmes et d'hommes qui sont aux commandes et qui ne sont pas fermés. Je me souviens d'un épisode. Je suis à Europe, donc je suis petit collaborateur. Je réponds au téléphone et un auditeur me dit « Dites-moi monsieur, à quelle heure Radio Alger cesse-t-elle ses émissions ?» À ce moment-là, Alain Manval diffusait « Carte de séjour ». Voilà, le groupe de Rachid Taha. Donc, on avait aussi ça. Et ça n'a pas empêché cette radio d'envoyer ces musiques-là. Alain Manval, c'était la star des années 80. Et c'est lui le premier qui fait venir, par exemple, des breakers en France. C'est lui le premier qui présente à la télévision française des rappeurs et des breakers. Voilà, donc c'était ça la France des années 80. Et j'ai vu que à ce moment, ça commençait, il y avait beaucoup d'engouement pour la musique africaine en France, à Paris. J'ai dit, bon, pourquoi il faut être là où ça se passe ? Salif Keïta. Il y avait quelque chose de spécial à Paris parce que c'était très très bien en ce moment. Ça a donné beaucoup de sûreté, beaucoup de sécurité pour la musique africaine de s'expatrier, d'être aimé sur d'autres continents. Et qu'est-ce que vous avez découvert comme musique, peut-être à Paris, en vivant ici, qui vous a inspiré? J'ai pas changé ma musique par rapport à quoi que ce soit. J'ai peut-être aimé la musique française et certains musiciens français comme Michel Berger, qui était un ami à moi, Jacques Higelin, Gainsbourg. Vraiment, ces gens-là, je les ai aimés, je les ai adorés. Même quand j'en parle maintenant, c'est émotionnel pour moi, parce que vraiment, c'était des amis, mais en dehors de tout ça, c'était des talentueux. Et j'ai beaucoup, c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés. Là, j'ai interprété certains morceaux français, de Gainsbourg, Higelin, Léo Ferré, des gens comme ça que j'ai beaucoup aimé et que j'ai interprété. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Je crois que Paris est la capitale de la musique africaine. Parce que si je n'étais pas venu ici, je ne serais pas aussi connu partout dans le monde. Et donc Paris, pour moi, très important, c'est à la base de la renommée des Africains, musiciens. Notre papa, c'était François Mitterrand. Et notre grand leader de culture, c'était l'ancien ministre de la Culture, Jacques Land, qui m'a d'ailleurs décoré comme chevalier des arts de la culture française. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai connu et qu'on m'a connu. Vous avez joué aussi pour l'élection de François Mitterrand. Oui. Comment ça s'est fait? Quels souvenirs vous gardez? Ils nous ont demandé. Ils nous ont demandé de jouer. Ils nous ont bien payé. Ils dit, voilà, le président a besoin de vous pour sa campagne. On a dit, on y va. Et puis aussi, ce même président Mitterrand, donc quand il y avait les sommets franco-afrique, ils ont invité Touré. Je me rappelle, il y avait Manu Dibango aussi. Et c'est là où on est parti. Il y avait tous les chefs d'État africains francophones qui étaient là. Et pendant le concert aussi, mon frère, tu sais, il est toujours à l'affût, il a dit, voilà, monsieur le président, on a envie de faire une tournée africaine. Nous voudrons que vous nous allégez les charges pour qu'on puisse venir jouer en Afrique. Vous vous souvenez avoir joué pour François Mitterrand? Oui, je me souviens. Ça représenta quelque chose de spécial. Ça fait plaisir de voir que des gens qui n'ont rien à voir avec notre culture, de cette envergure, vous écoutent. Parce qu'en fait, ils ne dansent pas. Ils vous écoutent. Ah non, ils ne savent pas danser. Ou à moins qu'ils ont dansé avec vous. Je ne sais pas, moi. Moi? Et pourquoi tu veux qu'ils dansent avec moi? Non. Il a enlevé beaucoup de racisme sur le cœur des gens. Ça, c'est certain. Ah oui, oui. Parce qu'il a reconnu que dans la culture africaine, c'est une culture qui n'a pas le pareil. Est-ce que vous diriez que quelque part, la gauche a soutenu la musique africaine à un moment donné? Non, la gauche n'a rien soutenu. La gauche a toujours voulu récupérer. C'est pas que la musique africaine qu'il voulait récupérer. Il voulait récupérer tout ce qui lui passait. C'est-à-dire que c'est comme une bête affamée qui voyait partout traîner la nourriture parce qu'il est affamé. Bon, maintenant, c'est vrai que la musique que les gens voulaient récupérer ne s'est pas laissée récupérer, mais par contre, en a profité. Et c'est le cas des musiques que nous sommes. Dans ces années-là, tout se passait en France. José Da Silva, il y avait, producteur de Césaria Evora. Un engouement énorme du public, des médias. C'est le moment où plusieurs artistes africains ont beaucoup de succès, Salif Keita, Youssou N'Dour, Ismaël Lô, plein d'artistes arrivent sur la France. L'arrivée des maires de gauche dans toutes les villes et tout ça a fait que toutes les villes ont lancé des festivals de musique du monde, ont accepté cette musique du monde. Dès 81, on a senti que au niveau culturel, ça a changé. C'est-à-dire que les artistes faisaient d'énormes tournées. Et après, cette fièvre a pris aussi les États-Unis. Sur les États-Unis, il y a eu tout un circuit de musique du monde qui s'est mis en place. Donc, c'était l'endroit où il fallait être, Paris, parce que les studios aussi. Moi, je me rappelle, les studios travaillaient 24 heures sur 24. C'était booké des mois et des mois à l'avance. Les gens venaient de toute l'Afrique enregistrer à Paris. parce que le bon son se faisait à Paris. Les techniciens qu'on avait en France avaient l'habitude de la musique africaine et donc on sortait le meilleur son, c'était à Paris. Fallait venir à Paris pour avoir la crème de la musique africaine. Donc tout le monde venait ici enregistrer. Aujourd'hui, on ne pourrait plus comme ça aller dans les studios pour savoir qui enregistre, qui... Et moi j'étais là, j'avais envie de voir ça parce que je découvrais aussi cette Afrique-là. Parce que les artistes venaient enregistrer. Le fait qu'il y ait autant d'artistes qui décident que Paris est leur base pour venir travailler, venir enregistrer, venir rencontrer des musiciens. Touré Kounda, au sein du groupe Touré Kounda, il y avait aussi bien un percussionniste juif que un guitariste antillais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on a des gens qui se rencontrent et qui partagent quoi. L'Afrique de cette époque-là, c'est quand même une Afrique qui est en train de s'éveiller au reste du monde. Et les Touré aussi se sont inspirés beaucoup de nos folklores de la région qu'on est en train de puiser pour travailler et écouter la musique anglo-saxonne de quand on était tout petit, la musique française. Touré, Kounda. Les Beatles, les Johnny, les Adamo, tout, Enrico Macias, tout. Et Charles Aznavour, oui, qui était beaucoup aimé aussi en Afrique. Donc, on était baignés dans toutes ces sources-là. Et Touré, c'est pourquoi on nous appelle les précurseurs de la world music. C'est pas inventé, c'est vrai, moi je suis mal placé à le dire, mais c'est écrit dans les annales, dans les classiques. Il y avait une nouvelle ère qui venait en France là. Et donc dans ce décor, il y avait les frères, après beaucoup de musiciens sont venus, tout le monde a vu que c'était possible. Et nous, c'est notre but, pour montrer notre expérience en Europe. Et maintenant, après, tous les groupes sont venus, tout le monde a... Tout le monde s'est réveillé. Il y avait une conscience générale et commune. Tiens, je veux faire comme les Touré, Angélique Kidjo, quand vous arrivez à Paris, donc en 83, quel Paris vous trouvez et quelle musique africaine vous trouvez à ce moment-là? Mais quand je suis arrivée à Paris, déjà, il faut noter quelque chose qui est très important. Il n'avait pas besoin de visa. J'ai été l'une des dernières personnes à arriver en France sans avoir besoin de visa. Quand on était d'un pays francophone. Donc, c'était un pari qui était le parcours du combattant pour avoir la carte de séjour. Ça, c'est tous les étrangers qui sont dans un pays savent ce que c'est. Et l'humiliation constante quand on va demander sa carte de séjour. Tu te levais à 5h du matin, tu faisais la queue pendant et tu sortais de là, tu rentrais chez toi à faire 15h, toute la journée est foutue pour avoir un papier. Et c'était terrible. Et on vit dans le même monde, sans vivre dans le même monde. Et c'est ça qui est terrifiant. Retour maintenant en Angleterre, où l'autre musique a rendu visite à Peter Gabriel dans les studios qu'il a installés chez lui à Bath depuis une douzaine d'années et où il a lancé l'an dernier son label Real World, un label consacré exclusivement à la world music ou comme on dit ici, à la sono mondiale. I do think it's a useful marketing tool because right now there is an interest in this category, in this entity world music. Au milieu des années 80, le marketing investit l'industrie musicale et une bande de producteurs anglais décide de trouver un nom pour glisser les productions non européennes dans les packs des vendeurs de disques. La world music est née. Et donc on a créé cette étiquette world music et on y a mis un peu tout le monde pour pouvoir dans les magasins délimiter où on pouvait trouver ces gens-là. Et vous, world music, ça vous disait quoi ? J'aimais pas beaucoup. Nous sommes nombreux à ne pas avoir aimé cette étiquette-là parce que quand on a vu ce que l'industrie maintenant commerciale en a fait, il s'en est servi pour créer des ghettos justement. Mais c'était tellement fort qu'il y a un moment, ça déborde, qu'on veuille ou pas. Par exemple, Césaria, on a débordé. Ils ont essayé au début de mettre Césaria dans la musique du monde, mais quand le public, le fan de musique classique allait dans le rayon classique et qui demandait Césaria, après le classique a été maître du Césaria dans ses rayons. Dès qu'on rentrait à la Fnac, on trouvait Césaria et dans tous les rayons, on avait un peu de Césaria partout. Mais au niveau des festivals, aussi ça a débordé. Parce qu'il y a un moment, les festivals du jazz s'essoufflent et ils vont trouver où se sauver grâce à la musique du monde, à la world music, et ça ramène du monde. Il y avait tellement d'artistes qui venaient de partout. Le rap, même le rap américain, rayonnait plus ici. À Paris ? Ah oui, ça partait d'ici, ça allait de l'autre côté. Et après, ça a commencé à prendre vraiment aux États-Unis. Mais Paris a toujours été un centre où Angélique Kidjo. Les gens On leur donne la liberté d'être eux-mêmes. Oh, mais c'était incroyable. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, encore une fois. Et puis, il y a eu Yekayeke qui est passé par là. Et ça a été un tube. Mais est-ce que ça a été un tube profitable pour la musique, les musiques africaines en général? Je ne sais strictement rien. Il en reste quoi aujourd'hui? Quand je fais le papier sur Henri Kanté, j'essaie déjà d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un griot. Personne ne savait ce que c'était qu'un griot. Donc un griot, c'est une caste, c'est une transmission familiale. Et puis il y a tout un travail qui se fait toute la jeunesse. Et après, on devient un musicien. Et en fait, un griot, c'est un puits de culture. C'est-à-dire, Henri Kanté n'est pas quelqu'un qui composait dans le sens artistique où on l'entend ici. C'est quelqu'un qui reprenait tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connaissait de la tradition et qui l'arrangeait à la sauce contemporaine. La guitare électrique, des synthétiseurs, alors parfois avec des sons très kitsch, mais c'est ça aussi qui faisait la force, c'est-à-dire pour nous ça pouvait faire rigoler, mais en même temps c'était hyper intéressant. Et donc il y a une manière de s'approprier déjà à l'époque toute l'instrumentation moderne. Et donc c'était le mélange entre les deux qui nous faisait penser qu'il y avait une ouverture vers l'Afrique de l'an 2000. Et je pense pas qu'on se soit trompé, puisque maintenant, les musiciens africains du continent, ils utilisent absolument toutes les technologies modernes. Ils sont même certains très en avance et ils sont même en train d'inventer des choses qui sont reprises après par des artistes internationaux très connus aujourd'hui. C'est-à-dire Beyoncé, elle va piller aussi ce qu'ils font. Donc voilà, j'essayais d'expliquer qu'il se passait quelque chose, qu'on pouvait être appuyé sur une tradition et être complètement contemporain. Il y avait à l'époque ce qui s'appelait le top 50 et on retrouvait tout d'un coup dans le top 50 des artistes comme Johnny Clegg et puis le fameux Yeke Yeke de Henri Kanté qui était numéro 1. Donc ce qui fait qu'à la fin des années 80, tout d'un coup, on surfait presque sur une vague et sur une mode. Tout d'un coup, l'Afrique, tout le monde en parlait, les gens écoutaient, les concerts étaient pleins, les disques se vendaient. Et à la fin des années 80, moi j'ai créé le festival Africolor, c'était presque une évidence. Il y avait les multinationales comme Universal qui avaient signé Henri Kanté, etc. Il y avait ce tube énorme Yeke Yeke de Henri Kanté. Donc on surfait sur une espèce de vogue artistique à la fin des années 80. C'est toute une culture qui intéresse les gens. C'est pas seulement les artistes. Ok, les artistes ont tous leurs spécificités, et puis il y a des gens qui sont fans de l'un ou de l'autre, mais c'était un mouvement culturel. C'est-à-dire que les gens avaient soif, justement, de cette musique qui venait du Sud, parce que derrière cette musique-là, il y a des pays, il y a des histoires. Et donc, moi, j'ai vu dans des concerts des gens écouter et dire « Faut que j'aille dans le pays, c'est pas possible si cette musique-là m'émeut comme ça, il faut que j'aille découvrir ce pays. » Donc, c'était tout un mouvement culturel. On a vu après des Européens s'africaniser dans leur façon de vivre au jour le jour. Oui. Que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre. Les restaurants africains ont commencé à être envahis par des Européens. Donc on a eu des restaurants africains dans le 16e, dans le 8e. Donc c'était pas que musical. Pour moi, c'était vraiment culturel. Comment faire que cette chanson-là, quand ça arrive chez les gens, ça leur donne de la joie, ça leur fasse pleurer, ça les fasse danser, ça les renforce. C'est tout. C'est ça l'artiste. L'artiste est là pour transformer le monde par son art et en touchant les gens pour que les gens puissent eux-mêmes transformer leur propre vie. Et c'est ça le pouvoir de la musique. Et après, on passe très vite à autre chose. Et c'est ça le problème. Et quand les quotas sont arrivés dans les radios, ce qui est normal, les Français, on est dans leur pays, il faut qu'on les entende. Donc dans ces quotas-là, quelle est la catégorie de musique qui a été sacrifiée? C'est les musiques du monde. Ça a été terminé pour le melting pot culturel qui était Paris. À partir du moment où on a pris cette décision, en fait, on a mis tout le monde dehors. Parce que tu ne veux pas faire la compétition avec les Beyoncé et les autres grandes stars américaines. Quand ils arrivent, ils écrasent tout, ça écrase tout le monde. Donc, qu'on le veuille ou non, ceux-là, on est obligé de les jouer parce qu'ils viennent d'un pays puissant. Aujourd'hui, pour faire venir un artiste, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire, moi, pendant les 20 ans où j'ai dirigé le festival, les 25 ans où j'ai dirigé le festival, c'était une bagarre hallucinante pour avoir les visas. Parfois, je m'y prenais un an à l'avance, mais j'ai toujours réussi. Mais au prix de... Si j'ai beaucoup de cheveux blancs, c'est merci les consulats. Aujourd'hui, c'est... Il y a des pays avec lesquels c'est impossible. Impossible. Bah, les pays qui sont qualifiés de terroristes, avec tout ce qui est en train de se passer, ça va être de pire en pire. Pour moi, évidemment, c'est une catastrophe artistique. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est une catastrophe sur l'avenir, parce qu'on érige des frontières et des murs absolument partout. Alors que justement, et c'est là où moi, je me dis que Africolor, je sais que j'ai, en le faisant, avec tous les musiciens qu'on a connus, on a ouvert les portes de quelque chose. Et justement, on a permis à des gens de s'ouvrir complètement, d'apprendre d'autres musiques, de communiquer, de partager. On a créé une convivialité. Aujourd'hui, on est en train de créer que des peurs et des exclusions. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, je crois beaucoup quand même dans cette jeunesse de musiciens qui justement vont à la rencontre de ces musiques, la partagent, essayent de la comprendre, essayent de prendre le risque de jouer avec eux. Ça, c'est vrai qu'ici, en France, il y a vraiment une génération qui avance avec ça, une génération de musiciens français qui est très avertie et qui parfois va se passionner pour la musique d'Addis Abeba, éthiopienne, ou qui va tomber dans la marmite de la musique bambara ou de la musique mandingue, ou qui va vouloir faire de la rumba, ou tout d'un coup, en ce moment, on voit plein de groupes d'afrobeat. Bon, ben, tout ça est en train de se déliter parce que nous, on est soutenus par exemple par un département qui s'appelle le département de la Seine-Saint-Denis. Ce département va aller dans le Grand Paris et va se dissoudre. Donc on n'aura plus d'interlocuteurs que le Grand Paris. Est-ce que le Grand Paris va s'intéresser à Africolor qui se passe à Saint-Denis? On se pose la question, on n'en sait rien, on n'en est pas sûr du tout. Il y a beaucoup de festivals qui ont disparu en France. Hein. 200 000 ventes d'un album, essentiellement auprès du public français, ça veut dire qu'il y a un engouement populaire, que des gens ont envie d'écouter, de découvrir. Oui. Votre succès, à cette époque-là, c'est aussi une photographie de l'histoire de France à ce moment-là. Oui. Ouais, vous pouvez me le dire comme vous le dites, c'est bien. Ça, c'est possible. La curiosité, c'est le propre de l'homme. Est-ce que quelque part aussi dans les années 80, on sortait des années 70, il y avait plus d'espoir aussi en France? Oui, il y avait plus d'espoir. Oui, notre succès dépend de beaucoup de choses, mais en particulier de nous. Parce qu'on ne voulait rien faire d'autre que la musique. Et dans un pays où les blancs comme les noirs dansent cette musique en même temps, c'est... Quand on voit une musique qui se joue et avec des instruments qui sont les leurs d'un côté et de l'autre côté ceux des autres, c'est quelque chose qui mérite d'être signalé et puis d'être montré et d'être vécu. Parce que nous continuons quand même à bien exister et à se maintenir, quoi, la tête hors de l'eau, et de continuer à faire une musique, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce qu'on aimerait savoir, peut-être, c'est ce que vous en pensez. De ce qui se passe dans le mouvement. Je vais faire un petit pipi, je reviens. Ah, ok. Je réfléchis à la réponse. C'est la bonne pour choix aussi. Comment ? Penser à rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits rires qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venait. C'était l'Afrique c'est chic, ou l'âge d'or de la world music, avec Jean-Michel Mouillac de La Main Bleue, Claude Issiard, animateur et producteur sur RFI, Philippe Conrad, producteur et ancien journaliste, Martin Messonnier, producteur et réalisateur, Salif Keita, artiste, Angélique Kidjo, artiste, José Da Silva, producteur, et les frères Touré du groupe Touré Kunda. Avec un grand merci au New Morning et à Nina Pareja, ainsi qu'à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France, à Antoine Villose de la Discothèque de Radio France et à Marie Chauveau aux archives INA. Prise de son Michel Gassic et Claude Nior, mixage Manuel Couturier, une émission d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachey. Je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous, pour être à vous. Être à moitié fou. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Montreuil, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Mais en attendant, restez à l'écoute.